Chapitre 18e, le salaire de la honte. Du ciel gris sombre, chargé de lourds nuages, tombe une pluie fine, incessante, énervante. Un vent froid pénètre les vêtements jusqu'aux os. Se protégeant avec un parapluie, Zara marche sur un trottoir mouillé du centre-ville, en évitant les nombreux trous remplis de flaques d'eau sale, boueuses et charriant des détritus. Zara va à son rendez-vous ordinaire pour le rapport. Cette fois-ci, l'idée de rencontrer son chef lui est totalement désagréable, quasi insupportable. Qu'y a-t-il de pire? Le viol du corps ou de l'esprit? La vue de Karim, le matin, chez le boulanger, et la chaleureuse impression à leur éprouver ont intensifié les laves incandescentes de sentiments dont Zara est le volcan. Qu'est-il pour moi et qui suis-je pour lui? Ces deux énigmatiques et impérieuses interrogations martèlent le cerveau de l'amoureuse. Avant d'accéder au bureau du chef inquisiteur, Zara est reçue par un jeune policier préposé à la réception. Depuis la première vue de ce jeune homme, la jeune fille fut agréablement surprise de constater son comportement. Il n'avait rien du policier parvenu, orgueilleux et sans respect pour les simples citoyens. Au contraire, sa politesse et sa modestie étaient sincères et charmants. Zara comprenait qu'elle n'avait pas affaire à un misérable arriviste vulgaire et malotru, mais à une personne sensible et respectueuse des autres, ce type de personne qui fait honneur au corps de police quand elle est au service réel des citoyens, avec la conscience que c'est de leur argent, sous forme d'impôts, que les policiers vivent. Moussa est le nom de ce réceptionniste. Zara le salue avec respect et un certain plaisir, car sa vue soulage et réconforte en ce lieu où il ne fait pas bon de se trouver. Quand elle entre finalement dans le bureau de son chef, il scrute longuement le visage de sa moucharde et s'aperçoit de son trouble. Quelque chose ne va pas. Elle le regarde, toute surprise. C'est la première fois qu'il lui pose cette question. S'est-il aperçu de quelque chose? Une autre personne ferait-elle le même travail que moi, dans le quartier, et m'espionne? Je dois trouver une excuse. Ma mère n'est pas en bonne santé, déclare Zara. Sans tenir compte de la réponse, le policier demande froidement. Alors, quelles informations tu m'apportes? Rien de particulier, dit-elle. Ah, rétorque le fonctionnaire en ricanant. Comme ça, rien de particulier. Tu ne fais pas ton travail. À cette interrogation, proférée sur le ton d'une sournoise menace, Zara frissonne. Elle pense à la boulangerie, au pain. Une épouvantable idée surgit dans son esprit, celle de ne plus disposer d'argent pour l'acheter, ce pain si précieux pour elle et sa famille. Ce besoin de pain la décide à confesser, malgré elle. « J'ai rencontré par hasard Karim dans l'autobus. »« Ah !» réplique le policier content. « C'est bien. Et alors ?» Zara aurait désiré voir la terre s'ouvrir pour être précipitée dans l'abîme, afin d'échapper à l'effroyable situation où elle se trouve. « Alors ?» répète le policier, plus autoritaire. « Je t'écoute. » Zara retrouve un certain contrôle d'elle-même, en étant consciente que le sang a déserté son visage. Sa pâleur n'échappe pas au policier. « Ah, c'est bon, se félicite-t-il. La chèvre s'apprête à pisser. » Zara déclare, la voix légèrement altérée. « Je lui ai demandé quel travail il fait. Il m'a répondu « infirmier à l'hôpital ». Le policier ricane. « Crois-tu, lance-t-il sarcastique, être payé pour apporter ce genre d'informations ?» Elle baisse la tête et demeure silencieuse, s'efforçant de maîtriser l'ouragan brusquement déchaîné au plus profond d'elle-même. « Tu n'es pas bavarde aujourd'hui ?» le reproche le policier, mécontent. « Je ne vais quand même pas te torturer pour te faire parler. Lui as-tu demandé pourquoi il participe au nettoyage des immondices ?» Zara relève les yeux, regarde l'homme, mais reste silencieuse. Lui précise, ouvertement menaçant. « Ton salaire, il te faut savoir le gagner. Sinon, comment soigner ta pauvre, mes chères mamans ?» Le rusé et impitoyable investigateur vient de mettre le bistouri dans la plaie saignante. Zara s'empresse de réagir. « Oui, je lui ai demandé. » Il m'a répondu que Saïd ne parvient pas à faire tout le travail sans être aidé, alors Karim y a contribué. Elle se tait. Le policier montre des signes d'irritation. Rien d'autre ?« Je dois quand même, se justifie Zara, faire attention à ne pas éveiller ses soupçons par des questions trop indiscrètes. C'est la règle à suivre. »« C'est vrai, » concède le chef. « Ceci dit, j'ai besoin d'informations plus intéressantes sur ce Karim. » Et également sur son ami, le vieil homme, Sélafide. Et s'ils vont encore à la réunion du comité des chômeurs. Quand Zara se retrouve dans la rue, la pluie continue à tomber, inexorable. La vue des gouttes d'eau descendant du ciel éveille chez Zara une furieuse envie de pleurer. mais son caractère a toujours refusé ce qu'elle considère une lâche résignation. Chaque fois, elle a transformé ce qu'elle considère une vile tentation de sanglots en un courageux serrement de dents. Elle marche plus rapidement sur le trottoir mouillé, en protégeant sa tête avec le parapluie. Toujours le salaire de la honte, avant et encore maintenant. Des propos du policier, exprimés à la première rencontre entre lui et Zara, reviennent dans la mémoire de cette dernière. Il avait lancé tout goguenard. Quand le travail manque, et l'émigration est impossible, les choses se réduisent à ceci. Pour les femmes, vendre leur corps, par le mariage ou d'une autre manière. Pour les hommes, jouer au client unique, par mariage ou au proxénète, éventuellement en vendant de la drogue. Il y a un métier meilleur, régulièrement payé, sans danger, et qui fait honneur à la patrie. Collaborer avec la police. Tu as finalement choisi ce dernier, et tu as bien fait, je t'en félicite. En marchant, Zara a l'impression que sa tête est prise de vertige, au risque de s'évanouir. Mes menstruations, non, ce n'est pas leur période. Elle sent autour de son crâne un cercle d'acier, lui serrant douloureusement les tempes. Brusquement, l'envie de vomir tourne l'estomac de Zara. Elle se plaque vite contre un mur, haletante, la bouche ouverte, envahie par une âcre salive. Du ventre, deux affreux râles montent violemment, raclent la gorge et finissent éructés brutalement au dehors. « Il ne faut pas que je m'évanouisse. Tiens bon, tiens bon !» Appuyée totalement le dos au mur, le parapluie ouvert tremblant dans la main droite, Zara s'efforce de reprendre le contrôle d'elle-même. Elle s'aperçoit que les gens passent sans lui prêter aucune attention. Soudain, une rude voix lui parvient, venant du côté droit. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Zara tressaille, se retourne. Un homme d'une quarantaine d'années est debout devant elle. Son corps est robuste, la tête carrée, le crâne rasé, les yeux patibulaires. Zara parvient à déclarer avec fermeté. « Rien, rien, une douleur de tête, mais c'est passé. J'ai ma voiture, là. » Il l'indique, arrêté près du trottoir. Il ajoute « Viens, je te ramènerai chez toi. »« Non, merci. » « Je suis tout près de ma maison, et mon mari m'attend. » Cette réplique est venue à Zara de manière automatique. C'est la réponse qu'elle donne chaque fois qu'un frustré mâle en rut l'aborde. « Vraiment ?» insiste le vulgaire libidineux. « Tu ne veux pas venir avec moi ?» Zara se rend compte qu'elle a affaire à l'ordinaire imbécile. Il croit que toute femme dans la rue est une candidate à la prostitution. « Allez, » dit-elle d'une voix résolue à l'important, « je te prie de me laisser tranquille. » Elle s'éloigne rapidement. Le danger lui a fourni l'énergie dont elle avait besoin pour poursuivre son chemin. Elle ignore pourquoi. Un cadre auquel elle était habituée, puis devenue indifférente, attire de nouveau son attention. Les saletés sur le trottoir, la laideur des façades d'immeubles, la vétusté des couloirs des maisons, partout le laisser-aller, l'abandon, le détruit. Laideur, laideur, laideur! La première fois qu'elle s'en aperçut, ce fut quand elle eut sous les yeux, tout à fait par hasard, des photos de la ville du temps de la colonisation. Les rues étaient bien entretenues, les façades d'immeubles jolies. À cette constatation, Zara eut une affreuse honte. Quoi ? Les colonialistes savaient mieux que les Algériens veillaient à la propreté et à la beauté d'Oran. En poursuivant sa désolante marche sur le trottoir, une conclusion s'impose dans l'esprit de Zara. « Oui, je suis à l'image de ma ville. Salie, avilie, laide. » Des larmes gonflent ses yeux et coulent sur ses joues, se mélangeant aux gouttes de pluie. Le soir, seule dans la cuisine, assise sur une peau de mouton, Zara roule le couscous pour le dîner. Progressivement, ses mains ralentissent le mouvement, à cause de pensées multiples et diverses. Elles se choquent les unes aux autres, se combattent. Toutes se ramènent à lui, le surveiller du deuxième étage. Il a vraiment l'air de ne pas être un homme comme les autres, de ne pas être mu par des mauvaises intentions. Mais étant ce que je suis, vu mon passé, aucun avenir n'est possible. Nous sommes trop différents, totalement opposés l'un à l'autre. Je suis un loup et la fausseté incarnée, tandis que lui semble être un agneau et l'honnêteté absolue. L'apparition d'Abdelkader, le frère cadet de 21 ans, interrompt les amères réflexions de Zara. « Alors, quand mangera-t-on » interroge-t-il, autoritaire et contrarié. Dans un quart d'heure, les légumes sont déjà prêts. Avec de la viande ? Veut-il savoir en reniflant bruyamment. Tu sais bien, répond Zara, qu'on n'est pas à la fin du mois. Pour n'acheter, je dois recevoir mon salaire. Ce sera la semaine prochaine. Il renifle une deuxième fois, toujours de façon sonore. ce mori désagréable est chez lui une bizarre manifestation d'autorité. Probablement, il croit et applique l'expression populaire « avoir du nez » pour signifier assumer de la dignité. Enfin, il s'agenouille en face de sa sœur et la fixe des yeux avec une expression sévère. « Alors, grogne-t-il, maintenant tu parles aux hommes dans les autobus ?» Elle cesse immédiatement de rouler le couscous et dévisage son frère en soutenant fermement son regard. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Que tu oses parler à des hommes dans l'autobus. »« Quels hommes ? Dans quel autobus ?»« L'autobus que tu prends pour revenir du travail. » Zara réfléchit très vite, puis réplique avec une apparente innocence. « Si quelqu'un m'adresse la parole pour me demander quelque chose, il faut bien que je lui réponde. Quel mal y a-t-il à ça ?»« Ce n'est pas quelqu'un, » objecte malicieusement le frère. « C'est un homme précis. » Et qui ? Il pointe l'index vers le plafond. Un voisin qui habite là-dessus. Zara, prise au dépourvu, baisse instinctivement les yeux, puis vite elle se reprend, les relève. Tu vois, tu as baissé les yeux, grommelle le frère. Zara assume un air ordinaire. Ah, je comprends, dit-elle. Je l'ai trouvé dans l'autobus. C'est un voisin. Nous avons bavardé un peu. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Le visage du frère se crispe brusquement avec une colère sourde mais visible. « Tu tiens ta vie, n'est-ce pas ? » menace-t-il. Sans se décomposer, la sœur réplique. « Que veux-tu dire par là ? » Il précise. « Fais attention à l'honneur de la famille si tu tiens ta vie. Autrement, avec ta longue chevelure dont tu es si fière, je t'étranglerai. » Sans permettre à sa sœur de répliquer, il sort de la cuisine. Zara reste perplexe. Comment a-t-il su de la rencontre dans le bus ? Peut-être qu'une voisine voilée s'y trouvait. Elle nous aurait vus, puis informé ma mère, qui l'aurait dit à mon frère. À moins que... Zara envisage une autre hypothèse, en rien étonnante. Être surveillée, elle aussi, par un ou une moucharde de la police.